Chapitre 19. Pendant ce temps, Biasson attendait toujours l'occasion favorable qui devait lui permettre de faire, auprès de Léon, une nouvelle tentative plus efficace que la première. Mais il attendit en vain. On avait des nouvelles de Léon par quelques-uns de ses anciens camarades, et notamment par Henri Clergeau. Mais Léon lui-même ne donnait pas signe de vie. Aux lettres les plus pressantes, aussi bien qu'aux demandes de rendez-vous, il ne répondait point. Et quand ses amis, cédant aux instances de Biasson, voulaient aborder ce sujet avec lui, il leur fermait la bouche dès le premier mot. Henri Clergeau, ayant voulu insister et revenir à la charge, n'avait obtenu que des paroles de colère qui avaient amené une brouille entre eux. « J'ai assez d'un conseil judiciaire, » avait dit Léon. « Je ne veux point de conseil d'amis. » Avec ses créanciers, Rouspineau, Brasier, Léon avait pratiqué ce même système de faire le mort, et il les avait renvoyés à son conseil judiciaire. Il n'avait rien. Son appartement était au nom de Cara. Il ne pouvait rien. C'était à son père de payer, si celui-ci le voulait bien. Sinon, il payerait plus tard lui-même, quand il le pourrait. Et il n'avait pas pris autrement souci de leur réclamation, se disant qu'il lui avait fait payer assez cher l'argent qu'il lui réclamait pour attendre. L'attente n'était-elle pas justement un des risques sur lesquels ils avaient basé leurs opérations? Heureusement pour Rouspineau et pour Brasier, M. et Mme Aupois d'Aguillon s'étaient montrés de bonne composition. Afin de sauver l'honneur de leur nom commercial, ils avaient pris l'engagement de payer les billets à leur échéance, mais à condition qu'ils seraient protestés pour la forme, et surtout, à condition plus expresse encore, que cet arrangement serait tenu secret, de manière à ce que Léon ne le connût jamais. Le jour où une indiscrétion serait commise, il ne payerait plus. Fatigué, agacé de voir qu'il n'obtiendrait rien de Léon, Biasson voulut risquer une tentative auprès de Cara, et il lui écrivit pour lui demander une entrevue. Si Cara ne voulait pas que Léon fût exposé aux attaques amicales de Biasson qui pouvaient l'émouvoir et à la longue l'ébranler, elle n'avait pas les mêmes craintes pour elle-même. D'avance, elle était bien certaine de ne pas se laisser toucher, si pathétique, si entraînante que fût l'éloquence de Biasson. C'est au théâtre qu'on voit les Marguerite Gautier se laisser prendre aux arguments d'un père noble et se contenter d'un baiser, le seul vraiment chaste qu'elles aient reçu, pour le paiement de leur sacrifice. Dans la réalité, les choses se passent d'une façon moins scénique peut-être, mais à coup sûr plus sensée. D'ailleurs, elle avait intérêt à voir Biasson et à apprendre de lui combien M. et Mme Aupois étaient disposés à payer la liberté de leur fils. Elle donna donc à Biasson le rendez-vous que celui-ci lui demandait, et pour être sûre de n'être point dérangée, elle envoya Léon à la campagne. Biasson arriva à l'heure fixée, et pour la première fois, cette porte à laquelle il avait si souvent sonné s'ouvrit toute grande devant lui. Cara était dans sa chambre, et comme une bonne petite femme de ménage, elle s'occupait à recoudre des boutons aux chemises de Léon, dont une pile, revenant de chez le blanchisseur, était placée devant elle sur une table à ouvrage. Ce fut donc l'aiguille à la main, travaillant, que Biasson la surprit. Elle se leva vivement, avec une sorte de confusion, pour lui offrir un siège. Biasson avait préparé ce qu'il aurait à dire. Il entama donc l'entretien rapidement et franchement. « Vous savez, dit-il, que je suis un commerçant. Nous parlerons donc, si vous le voulez bien, le langage des affaires, et j'espère que nous nous entendrons, si comme j'ai tout lieu de le supposer, vous êtes une femme pratique. » Cara se mit à sourire. « Je viens vous faire une proposition. Combien vaut pour vous, mon ami Léon ?»« Ah, la question est originale. » »« Il y a acheteur. » »« Mais vous ne savez pas s'il y a vendeur, il me semble. » »« C'est à vous de le dire. Vous avez, moi je demande. » À livrer quand? Tout de suite. Et vous payez tout de suite aussi? Nous ne sommes pas précisément pressés, mais je vous ferai remarquer qu'entre vos mains, la valeur que vous avez se déprécie. Ce n'est pas mon opinion. elle gagne au contraire, puisque chaque jour qui s'écoule, étant un jour de vie, rend plus prochaine la réalisation de mes espérances. Enfin, c'est à vous de faire votre prix, et non à moi. J'avoue que vous me prenez au dépourvu, car il me faudrait une table de probabilité pour la mortalité, comme en ont les compagnies d'assurance, et je n'ai pas cette table. En réalité, votre question se résume à ceci. Combien l'un ou l'autre de monsieur ou de madame Aupois d'Aguillon ont-ils encore de temps à vivre? Et franchement, je n'en sais rien. Vous êtes mieux que moi renseigné à ce sujet. Ont-ils des infirmités? Suivent-ils un bon régime? Le cœur est-il solide? Les poumons fonctionnent-ils bien? Je ne sais pas. Il y aurait vraiment loyauté à vous de me renseigner. Vivront-ils longtemps encore? Mourront-ils bientôt? Faites-moi une offre raisonnable. Nous discuterons. Et j'espère que nous nous entendrons, si, comme j'ai tout lieu de le supposer, vous êtes un homme pratique. Biasson avait cru que sur le terrain commercial, il aurait meilleur marché de Cara. Il vit qu'il s'était trompé, et il resta un moment sans répondre. « Alors, vous ne voulez pas jouer carte sur table ? » dit-elle, en continuant. « Je croyais que vous me l'aviez proposé. Mettons que je me suis trompé. C'est donc à moi de faire mon compte. Je vais essayer. » Quand j'ai connu votre ami, j'avais un mobilier qui valait plus de 600 000 francs. Votre ami s'étant trouvé dans une mauvaise situation, j'ai dû, pour lui venir en aide, vendre ce mobilier. Vous savez ce qu'est une vente forcée. De ce qui valait 600 000 francs, j'ai tiré 300 000 francs environ. C'est donc 300 000 francs que votre ami me doit de ce chef. De plus, je lui ai prêté 100 000 francs. De plus encore, j'ai fait pour son compte divers dépenses dont je puis fournir état, s'élevant à environ 100 000 francs. Cela nous donne un total de 500 000 francs dont je suis créancière et sur lesquels il n'y a pas un sou à diminuer. Maintenant, à ces 500 000 francs, il faut ajouter ce qui m'est nécessaire pour vivre honnêtement en veuve de Léon. Et je ne pense pas que vous trouverez que ma demande est exagérée si je la porte à 25 000 francs de rente, c'est-à-dire un capital de 500 000 francs. En tout, et répondant à votre question, je vous dis que pour moi, votre ami Léon vaut 1 000 000 si je vends tout de suite et comptant. 2 si je vends à terme. Qu'est-ce que vous offrez? Quand on est né sur les bords du gave de Léron, on n'a pas beaucoup de flegme. Biasson fit un saut sur sa chaise. « Vous vous imaginez donc que Léon vous aimera toujours ? » s'écria-t-il. « Aimé ? » dit-elle en souriant. Je croyais que nous parlions le langage des affaires. Au moins, vous m'aviez dit que telle était votre intention. Est-ce qu'avec une femme comme moi, un homme tel que vous peut employer un autre langage? Mais vous voulez maintenant que nous parlions sentiment, très volontiers, et à vrai dire cela m'agrée. Le sentiment, mais c'est notre fort à nous autres. Vous venez de me demander superbement si je m'imaginais que Léon m'aimerait toujours. Je ne peux pas répondre à cela. Car toujours, c'est bien long. Seulement ce que je peux vous dire, c'est que, quand je voudrai, Léon m'épousera. À combien estimez-vous la fortune de monsieur et madame Aupois d'Aguillon? 10 000 000, n'est-ce pas? Ils ont 2 enfants. La part d'héritage de Léon sera donc de 5 000 000. Or, c'est 5 000 000 que j'abandonne pour 1 000 000. C'est-à-dire que si j'étais une femme d'argent, et rien que cela, je ferais un marché de dupes. Mais si je ne suis pas une honnête femme selon vos idées, je suis une femme d'honneur. Et puisque nous parlons maintenant sentiment, j'ai le droit de dire que j'ai le sentiment de la famille. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu jusqu'à ce jour que Léon m'épouse. Mais vous comprendrez qu'après cette entrevue, je n'aurai plus les mêmes scrupules si vous, mandataire de cette famille que je voulais ménager, vous repoussiez l'arrangement que je n'ai pas été vous proposer, mais que, sur votre demande, je veux bien accepter. Et n'imaginez pas qu'en parlant ainsi, je me vante et j'exagère mon pouvoir sur Léon. Quand je le voudrai, j'en ferai mon mari. Et vous devez sentir qu'il faut que je sois bien sûr de ma force, puisqu'à l'avance et sans craindre que vous puissiez m'opposer une résistance efficace, je vous dis ce que je ferai si nous ne nous mettons pas d'accord sur notre chiffre. Vous connaissez Léon, son caractère, sa nature. C'est un garçon au cœur tendre et à l'âme sensible. Quand ces gens-là aiment, ils aiment bien. Et vous savez qu'ils m'aiment, car s'ils ne m'aimaient pas, ils seraient rentrés dans sa famille, lui qui est la bonté même, pour ne pas désoler sa mère et son père. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Parce qu'il ne peut pas se détacher de moi, attendu que je le tiens par le sentiment, aussi bien que par toutes les fibres de son être. En un mot, parce que je lui suis indispensable. Ah, c'est dommage que vous ne l'ayez pas marié jeune. Comme il eût aimé sa femme. Il a tout ce qu'il faut pour le mariage. La tendresse, la douceur, l'amour du foyer et aussi la fidélité. Il y a des hommes ainsi faits qui n'aiment qu'une femme. Tout d'abord, ils l'aiment un peu, puis beaucoup, puis passionnément, comme dans le jeu des marguerites, puis toujours davantage. Et ces hommes sont plus communs qu'on ne pense. Il y a les timides, les bêtes d'habitude, etc., etc. Mais vous connaissez Léon mieux que moi. Je n'ai donc rien à vous dire. C'est vous qui avez à me répondre. Je vous aurais répondu si vous m'aviez parlé sérieusement. Je vous jure que je n'ai jamais été plus sérieuse. Et il me semble que si vous voulez bien réfléchir à mes chiffres, vous verrez combien ils sont modérés. Je voudrais que la question puisse se traiter devant Léon. Vous verriez s'il vous dirait que le bonheur que je lui ai donné ne vaut pas 600 000 francs. Songez donc que depuis que je l'aime, il n'a pas eu une minute d'ennui, de lassitude ou de satiété. Croyez-vous que cela ne doit pas se payer? Croyez-vous que quand une femme s'est exterminée pour offrir à un homme cette chose rare et précieuse qu'on appelle le bonheur, elle n'est pas en droit de se plaindre qu'on vienne la marchander? Vous vous imaginez donc qu'il est facile de les rendre heureux, vos beaux fils de famille, élevés niaisement, qui ne prennent intérêt à rien, qui n'ont de passion pour rien, qui n'ont d'énergie que pour satisfaire leur vanité bourgeoise et qui nous prennent, non pour ce que nous sommes, non pour notre beauté ou notre esprit, mais pour notre réputation qui flatte leur orgueil. Eh bien, je vous assure que la tâche est rude et que celles qui la réussissent gagnent bien leur argent. Mais je ne veux pas insister. Vous réfléchirez et vous verrez combien ma demande est modeste. Elle se leva. Et comme Biasson restait décontenancé par le résultat de leur entretien, elle continua. Voulez-vous me permettre de vous montrer, pour le cas où vos réflexions seraient longues, que Léon peut attendre sans être trop malheureux? Et souriante, légère, elle le promena dans son appartement, le salon, la salle à manger, même le cabinet de toilette. Voilà mon arsenal, dit-elle. Vous voyez qu'il est vaste. Pour nous autres, c'est la pièce la plus importante de notre appartement. Et elle se mit à lui ouvrir ses armoires, ses tiroirs, lui montrant ce qui lui restait de bijoux et de curiosités. Pour cela, elle venait à chaque instant s'asseoir près de lui sur un sofa, et il était impossible de déployer plus de gracieuseté, plus de chatterie qu'elle n'en mettait dans ses paroles et dans ses mouvements. Elle eût voulu séduire Biasson, qu'elle n'eût pas été plus aimable. Pendant quelques instants, il la regarda en souriant. Ils étaient l'un contre l'autre, les yeux dans les yeux. « À quoi donc pensez-vous » demanda-t-elle avec câlinerie. « Je pense que si j'étais le père de Léon, je vous étranglerais là, sur ce sofa, comme une bête malfaisante. » Elle se releva d'un bond, puis se mettant bientôt à rire. « Évidemment, ce serait économique, mais ça ne se fait plus, ces choses-là. Au revoir, cher monsieur. » Je prends votre boutade pour un compliment. Chapitre 20. 1 million. Ce fut le mot que Biasson se répéta en allant de la rue Aubert à la rue Royale pour raconter à monsieur et madame Aupois d'Aguillon son entrevue avec Cara. Biasson, qui avait gagné lui-même ce qu'il possédait, sou à sou d'abord, franc à franc ensuite, et seulement après plusieurs années de travail acharné par billets de 1 000 francs, savait ce que valait 1 million et ce que cette somme, dont tant de gens parlent souvent, sans en avoir une idée bien exacte, représentait d'efforts, de peines et de combinaisons même pour les heureux de ce monde. 1 million. Elle avait bon appétit, mademoiselle Hortense Binoche. Elle s'estimait à haut prix. Quand monsieur et madame Aupois d'Aguillon entendirent parler 1 million, ils faillirent être suffoqués tout d'abord par la surprise et ensuite par l'indignation. « Assurément, vous avez raison de pousser de hauts cris, » dit Biasson. « Et cependant, je vous conseillerais de donner ce million, si j'étais bien convaincu qu'il vous débarrassera à jamais de cette femme. »« J'y pensez-vous ?»« J'y pense d'autant mieux que maintenant, je la connais. Je l'ai vue de près, et je sais de quoi elle est capable. Or, elle est capable, parfaitement capable, de se faire épouser par Léon. »« Mon fils ?» Si Cara n'avait demandé qu'une somme peu importante, on aurait pu entrer en arrangement avec elle. Mais quel arrangement tenter en prenant 1 million pour base des conditions de la paix? 100 000 francs, on les aurait donnés. 1 million, ce serait folie de le risquer en ayant si peu de chances de réussir. Et cependant, il fallait faire quelque chose. Plus que tout autre, Biasson, qui avait vu Cara, en sentait la nécessité. Et il avait fait partager ses craintes à Madame Haupois d'Aguillon. Alors il se passa ce qui arrive bien souvent dans les cas désespérés. Tandis que Madame Haupois d'Aguillon, qui était pieuse, demandait un miracle à Dieu, à la Vierge, à tous les saints du paradis, Biasson, qui n'avait pas la même confiance dans les moyens surnaturels, se décidait à risquer une tentative pour voir s'il ne pourrait pas obtenir aide et assistance auprès de l'autorité. Ancien juge au tribunal de commerce, membre de plusieurs commissions permanentes du ministère de l'Agriculture et du Commerce, il avait des relations dans le monde officiel dont il pouvait user et même abuser. Et il n'hésita pas à recourir à leur influence, plus ou moins légitime, pour arracher Léon des mains de Cara. Il lui était resté dans la mémoire des histoires de femmes appartenant au monde de Cara, qui avaient été expulsées de Paris ou qu'on avait fait enfermer. Pourquoi ne lui accorderait-on pas une mesure de ce genre? Si on la lui refusait, peut-être lui procurerait-on, peut-être lui suggérerait-on un autre moyen d'arriver à ses fins. Ce n'était pas dans des circonstances aussi graves qu'on pouvait se permettre de rien négliger. Le possible, l'impossible devait être tenté. Il connaissait à la préfecture de police un haut fonctionnaire sous la direction duquel se trouvaient les arrestations et les expulsions, ainsi que le service des mœurs. Il l'alla trouver, accompagné de M. Haupois d'Aguillon, et il lui exposa son cas. Le fils de son meilleur ami, Léon Haupois d'Aguillon, était l'amant d'une femme connue sous le nom de Cara dans le monde de la galanterie, et cette femme menaçait de se faire épouser si on ne lui payait pas la somme 1 million. Dans ces conditions, que faire? Le jeune homme était si aveuglé, si fasciné qu'il se pouvait très bien qu'il se laissât entraîner à ce honteux mariage. M. Haupois ne put pas laisser passer cette parole sans dire que pour lui, il ne croyait pas ce mariage possible. Mais bien que, jusqu'à un certain point, rassuré de ce côté, il n'en désirait pas moins voir finir une liaison déshonorante qui faisait son désespoir et celui de toute sa famille. Et qui vous fait espérer que ce mariage n'est pas possible ? Demanda le fonctionnaire de la préfecture. Les idées d'honneur et de respect dans lesquelles mon fils a été élevé. Vous êtes heureux, monsieur, d'avoir vécu dans un monde où l'on croit à la toute-puissance de l'honneur et du respect, et d'être arrivé à votre âge sans avoir reçu de l'expérience de cruelles leçons. Pour nous, nos fonctions ne nous laissent pas ces illusions consolantes. Nous voyons chaque jour à quels abîmes les passions peuvent entraîner les hommes, même ceux qui ont reçu les plus pures leçons d'honneur et de vertu. Aussi ne disons-nous jamais à l'avance qu'une chose est impossible, par cela seul qu'elle a les probabilités les plus sérieuses contre elle. Au contraire, nous savons que tout est possible, même l'impossible, alors surtout qu'il s'agit de passion. La passion n'est pas la folie, s'écria M. Haupois d'Aguillon. Assurément, le fou n'a pas la conscience de ses actions, et l'homme passionné a cette conscience. Le fou agit au hasard, sans savoir s'il fait le bien ou le mal. Et l'homme passionné agit en sachant ce qu'il fait. Mais trop souvent, il n'y a plus ni bien ni mal pour lui. Il n'y a que la satisfaction de sa passion. On a dit « l'homme s'agite et Dieu le mène ». Mais il faut dire aussi « l'homme s'agite et ses passions le mènent ». Où la passion dont monsieur votre fils est possédé le conduira-t-elle? Je n'en sais rien. Je veux espérer avec vous que ce ne sera pas à ce mariage dont monsieur Biasson se montre effrayé. Cependant, je dois vous dire que si cette femme veut se faire épouser, elle est parfaitement capable d'arriver à ses fins. Je la connais, et je l'ai eue dans ce cabinet, à cette place même où vous êtes assis en ce moment, monsieur. » Il adressa ces paroles à monsieur au poids d'Aguillon, à l'époque où elle était la maîtresse du duc de Caramy. Effrayée elle aussi de voir son fils aux mains de cette femme qui se faisait alors appeler Hortense de Lignon, madame la duchesse de Caramy vint me trouver, comme vous en ce moment, messieurs. Elle me demanda de sauver son fils, car il arrive bien souvent, trop souvent hélas, que des familles éperdues, qui n'ont plus de secours à attendre de personne, s'adressent à nous comme à la Providence, ou plus justement comme au diable. Je ne connaissais pas alors cette Hortense, ou tout au moins je ne savais d'elle que fort peu de choses. Enfin, je ne l'avais vue. Je fis prendre des renseignements sur elle, et ce que j'obtins furent d'une telle nature que je m'imaginais, j'étais bien entendu plus jeune que je ne suis, je m'imaginais que si le duc connaissait ses notes, il quitterait immédiatement sa maîtresse, si grand que put être l'amour qu'il ressentait pour elle. « Et vous avez toujours ces notes ?» demanda M. Haut-Poix d'Aguillon. « Je les ai. Vous comprenez que je n'eus pas la naïveté de les lui communiquer tout simplement. Des rapports de police. On ne croit que ceux qui parlent de nos ennemis. Comment un amant épris aurait-il ajouté foi à ceux qui parlaient de sa maîtresse ? Il fallait quelque chose de plus précis. Je fis cacher le duc derrière ce rideau. Cela ne fut pas très facile, mais enfin j'en vins à bout. Et lorsque Mademoiselle de Lignon, c'est Cara que je veux dire, arriva, je racontai à celle-ci sa vie entière avec pièce à l'appui de chaque fait allégué, de telle sorte qu'elle ne punit aucune de mes accusations. Vous sentez que c'était pour le duc que je racontais, et comme sa maîtresse était contrainte par les preuves que je lui mettais sous les yeux de passer condamnation à chaque fait, il était à croire, n'est-ce pas, que M. de Caramy serait édifié quand j'arriverais au bout de mon récit. Je n'y arrivais pas. À un certain moment, Cara, dont les soupçons avaient été éveillés par le ton dont je lui parlais, et aussi probablement par quelques regards maladroitement lancés du côté du rideau, se leva vivement et courut à ce rideau qu'elle souleva. Une explication suivit ce coup de théâtre, et alors je pus parler plus fortement que je ne l'avais fait jusqu'à ce moment. Quel fut selon vous le résultat de cette explication ? Cara manœuvra si bien que le duc lui offrit son bras, et qu'ils sortirent de mon cabinet, plus fortement liés l'un à l'autre que lorsqu'ils étaient entrés. Désolée de cette faiblesse, madame la duchesse de Caramy obtint que Cara serait mise à Saint-Lazare. Elle y resta 2 jours. Le troisième, je reçus l'ordre de la faire mettre en liberté. Et il n'y avait pas à discuter cet ordre, qui avait été obtenu grâce aux toute-puissantes protections dont dispose sa sœur dans un certain monde. Une fille avait eu plus de pouvoir que la duchesse de Caramy, car cette sœur de Cara n'est rien autre chose qu'une fille, comme Cara elle-même d'ailleurs. Ces deux femmes, au lieu de se faire concurrence, ont eu la sagesse de se partager les rôles. L'une a travaillé dans le monde officiel, l'autre dans le monde de l'argent. Elles se sont aidées, elles ne se sont pas contrariées. Aujourd'hui, par considération pour vous, messieurs, et sur votre demande, je puis encore envoyer Cara à Saint-Lazare. Mais je vous préviens d'avance qu'elle n'y restera pas longtemps. Je ne puis donc rien pour vous, et j'en suis désolé. Mais hélas, il n'y a plus de pouvoir qui protège les familles. Nous ne sommes plus au temps où l'on pouvait expédier Manon Lescaut à la Louisiane. Nous ne sommes même plus au temps où, par la contrainte par corps, on pouvait, en coffrant les jeunes gens à Clichy, les séparer de leur maîtresse. M. Léon Haut-Poix a fait pour 200 000 francs de billets, m'avez-vous dit. Nous aurions eu une arme excellente. Une fois à Clichy, il aurait eu le temps de se déshabituer de sa maîtresse. Et la force de l'accoutumance, si puissante en amour, brisée, vous auriez eu bien des chances pour rompre définitivement cette liaison. Je me sens si incapable. Et vous, il se tourna vers M. Haut-Poix, et vous, monsieur, je vous vois si faible en présence du danger qui vous menace, que j'en viens à vous dire, souhaitez que votre fils manque à cet honneur que vous invoquiez si haut il y a quelques instants. Qu'il se fasse condamner, et nous l'arrachons à cette femme. Il serait en prison, il serait à la Nouvelle-Calédonie, je vous le rendrai, et il reviendrait, j'en suis sûr, un honnête homme. Il est dans la chambre de Cara, je ne puis rien sur lui, rien pour lui, et je ne sais pas ce qu'il deviendra. Chapitre 21. Bien que la parole du fonctionnaire de la préfecture de police eût produit une profonde impression sur M. Haut-Poix d'Aguillon, elle ne l'avait cependant pas convaincu que Léon pût jamais en venir à prendre Cara pour femme. « Assurément, dit-il à Biasson en sortant, il y a de l'exagération. Le spectacle continuel du mal conduit à un pessimisme désolant. La passion, grand mot, mais le plus souvent petite, très petite chose. Enfin, nous verrons, nous aviserons. En réalité, il n'y a pas urgence à agir dès demain. Certes, j'ai grande hâte de voir cette liaison rompue, et j'ai grande hâte aussi de voir l'enfant prodigue revenir à la maison paternelle. Mais enfin, il ne faut rien compromettre. » Cependant, M. Haut-Poix d'Aguillon ne put pas prendre le temps de réfléchir et d'aviser lentement, prudemment, sans rien compromettre, comme il l'avait espéré. Car une lettre du curé de Noiseau vint à quelques jours de là lui signifier brutalement qu'il y avait au contraire urgence à agir pour empêcher Cara de poursuivre ses projets de mariage. On a déjà dit que c'était à Noiseau que M. et Mme Haut-Poix d'Aguillon avaient leur maison de campagne. Et comme cette terre appartenait à la famille d'Aguillon depuis plus de 50 ans, les héritiers de cette famille étaient les seigneurs de ce pauvre petit village de l'Abri qui ne compte guère plus de 150 habitants. Maire, curé, conseiller, instituteur, garde champêtre, tout le monde dépendait à un titre quelconque du château et des fermes, et par conséquent s'intéressait à ce qui pouvait arriver de bon ou de mauvais aux propriétaires actuels ou futurs de ce château et de ses terres. C'était à Noiseau que Mme Haut-Poix d'Aguillon s'était mariée. C'était dans le cimetière de Noiseau que ses pères étaient enterrés. Enfin, c'était sur les registres de Noiseau qu'avaient été inscrits les actes de naissance et de baptême de Camille et de Léon, nés l'un et l'autre au château. Dans sa lettre d'un style vraiment ecclésiastique, c'est-à-dire aussi peu clair et aussi peu précis que possible, le curé de Noiseau croyait devoir prévenir sa bonne dame Madame Haut-Poix d'Aguillon qu'une personne fort élégante de toilette et tout à fait bien dans sa tenue était venue lui demander l'extrait de naissance de M. Léon Haut-Poix d'Aguillon. Il savait d'une façon indirecte, mais certaine cependant, qu'à la mairie la même personne avait aussi demandé une copie légalisée de l'acte de naissance de M. Léon. Il ne lui appartenait pas de scruter les intentions de cette personne, qui d'ailleurs lui avait laissé une offrande pour les pauvres de la paroisse et pour l'entretien de la chapelle de la Très-Sainte Vierge. Mais il croyait néanmoins de son devoir de porter cette demande à la connaissance de sa bonne dame, Mme Haut-Poix d'Aguillon, afin que celle-ci prît les mesures que la prudence conseillerait, si toutefois il y avait des mesures à prendre, ce que lui ignorait, et ne cherchait même pas à savoir. Il regrettait bien de ne pouvoir donner ni le nom ni l'adresse de la personne en question. Mais cette personne, qui avait quelque chose de mystérieux dans les allures, était venue elle-même commander et prendre ses actes, de sorte qu'il avait été impossible, malgré certaines avances faites à ce sujet, d'obtenir d'elle ce nom et cette adresse. C'était même la réserve dont elle avait paru vouloir s'envelopper qui avait donné à penser au curé de Noiseau que sa bonne dame, Madame Haut-Poix d'Aguillon, devait être avertie. Il n'avait pas fallu de grands efforts d'imagination à M. et Madame Haut-Poix d'Aguillon pour comprendre que cette personne fort élégante de toilette, tout à fait bien dans sa tenue et qui paraissait vouloir s'envelopper dans une réserve mystérieuse, n'était autre que Cara. Et ils avaient compris aussi que le moment était venu d'agir énergiquement et de se défendre. Si l'on se trompait une première fois, on recommencerait une seconde, une troisième, toujours, tant qu'on n'aurait pas réussi. Souffrante depuis une quinzaine de jours, Mme Haut-Poix d'Aguillon avait agité dans la solitude et dans la fièvre 100 projets qui tous n'avaient eu qu'un but, sauver son fils. Et parmi ces projets, les uns fous, elle le reconnaissait elle-même, les autres sensés, au moins elle les jugeait-elle, il y en avait un auquel elle était toujours revenue et qui précisément par cela lui inspirait une certaine confiance. Au moyen de Rouspineau et de Brasier, on rendait le séjour de Paria désagréable et pénible à Léon, qui, elle le savait mieux que personne, avait l'horreur des réclamations d'argent. Quand ces deux créanciers, dont ils étaient maîtres, l'auraient bien harcelé, on lui ferait proposer d'une façon quelconque, cela était à chercher, de quitter Paris, d'entreprendre un voyage seul, où il voudrait. Et à son retour, après 3 mois, après 2 mois d'absence, il trouverait toutes ses dettes payées. Décidée à agir, Madame Aupois d'Aguillon imposa ce projet à son mari, et tout de suite on lança en avant Rouspineau et Brasier, qui, trop heureux d'avoir la certitude d'être intégralement payés sans rabais et sans procès, se prêtèrent avec empressement au rôle qu'on exigeait d'eux. Pendant 1 mois, Léon ne put point faire un pas sans être exposé à leurs réclamations. Chez lui, en public, partout, ils le poursuivirent de leurs demandes d'argent. Tantôt poliment, il savait bien que paralysé par son conseil judiciaire, il ne pouvait pas les payer totalement. Mais ce n'était pas la totalité de leurs créances qu'il demandait, c'était un simple acompte. Tantôt au contraire, grossièrement. Quand on avait assez d'argent pour vivre à ne rien faire, on devait être juste envers ceux qui s'étaient ruinés pour vous. Et les choses avaient pris une telle tournure qu'un jour Rouspineau était venu annoncer à Madame Aupois d'Aguillon que si elle le voulait bien, il n'attendrait plus monsieur son fils sur le palier de celui-ci, parce qu'il avait peur d'être jeté du haut en bas de l'escalier. Ce jour-là, Madame Aupois d'Aguillon avait jugé que le moment était arrivé d'intervenir personnellement. Elle était, il est vrai, malade et obligée de garder le lit. Mais loin d'être une mauvaise condition, cela pouvait servir son dessein, au contraire. Elle n'avait pas à chercher le moyen de faire faire sa proposition à son fils. Elle la lui adresserait elle-même directement, car elle n'admettait pas que Léon, la sachant malade, refusât de venir la voir. Elle n'avait donc qu'à le prévenir de cette maladie. Mais voulant mettre toutes les chances de son côté, elle pria son mari de quitter Paris et d'aller passer quelques jours à leur maison de Madrid. Par cette absence, il n'était pour rien dans sa tentative, ce qui devait dérouter les calculs de Cara. Et d'autre part, si Léon craignait des reproches, il serait rassuré, sachant son père en Espagne. Ce fut le cœur ému et les mains tremblantes que Madame Aupois d'Aguillon se décida à écrire à son fils après le départ de son mari. « Mon cher enfant, je suis malade au lit depuis 6 jours. Je suis seule à Paris, ton père étant retenu à Madrid. Je voudrais te voir. Et toi, ne voudras-tu pas embrasser ta mère qui t'aime et que ton baiser guérira peut-être ?» Il fallait avoir la certitude que cette lettre arriverait dans les mains de Léon, et pour cela il n'était pas prudent de la confier à la poste. Elle fit venir son vieux valet de chambre, en qui elle avait toute confiance, et elle lui dit d'aller se mettre en faction devant le numéro 9 de la rue Aubert. Quand mon fils sortira seul, vous lui donnerez cette lettre en lui disant que je suis malade. S'il est accompagné, vous ne lui remettrez et ne lui direz rien. Vous attendrez. Le vieux Jacques resta devant la porte de la rue Aubert depuis midi jusqu'à 5 heures du soir. Et ce fut seulement à ce moment qu'il put remettre sa lettre à Léon qui rentrait seul. Tout d'abord, Léon, qui avait reconnu l'écriture de l'adresse, voulut repousser cette lettre. Mais le vieux Jacques prononça alors les paroles que depuis qu'il avait commencé sa faction, il se répétait machinalement. « Madame, malade, m'a dit de remettre cette lettre à monsieur. » Vivement, il ouvrit la lettre, et sans dire un seul mot, à pas rapide, il se dirigea du côté de la rue de Rivoli. Le temps de l'attente avait été terriblement long pour Madame Aupois d'Aguillon, de 2 heures à 5. Enfin, un coup de sonnette retentit, qui la fit sauter sur son lit. C'était lui, elle ne se trompait pas, elle ne pouvait pas se tromper. Seule la main agitée d'un fils inquiet sonna ainsi. La porte de la chambre s'ouvrit. Sans prononcer une seule parole, elle lui tendit les bras et ils s'embrassèrent. Elle avait fait préparer une chaise près de son lit. Elle le fit asseoir et elle lut en face d'elle, après être restée si longtemps sans le voir, l'attendant, le pleurant. Comme il était changé! Il avait pâli, ses traits étaient fatigués, des plis coupaient son front. Mais elle se garda bien de lui faire part des tristes réflexions que cet examen provoquait en elle. Elle ne l'eût pu qu'en les accompagnant de reproches, et ce n'était point pour lui adresser des reproches qu'elle lui avait écrit et qu'elle l'avait appelé près d'elle. D'ailleurs, au lieu d'interroger, elle devait pour le moment répondre, car elle aussi avait changé, sous l'influence du chagrin, d'abord, de la maladie, ensuite. Et Léon lui posait question sur question, pour savoir depuis quand elle était souffrante, ce qu'elle éprouvait, ce que le médecin disait. Ils s'entretinrent ainsi longuement, sur un ton également affectueux chez la mère, aussi bien que chez le fils, et sans que rien dans leurs paroles, dans leur accent ou dans leur regard, fît allusion à ce qui s'était passé de grave entre eux. Il s'informa de la santé de son père, de celle de sa sœur, de celle de quelques vieux amis, mais il ne parla pas de son beau-frère, prenant ainsi la responsabilité de la plaidoirie de Nicolas. Le temps s'écoula sans qu'ils en eussent conscience, et comme la demi après 6 heures sonnait, la femme de chambre entra, portant dans ses bras une nappe, des assiettes et un verre. Puis elle se mit à dresser le couvert sur une petite table. « Tu manges donc ?» demanda Léon. « Oui, depuis 2 jours, mais jusqu'à présent j'ai mangé du bout des dents. Le pain avait un goût de plâtre. Il me semble aujourd'hui que j'ai presque faim. Tu me guéris. » La femme de chambre, qui n'avait pu apporter tout ce qui était nécessaire en une seule fois, était sortie. « Si j'osais, » dit Madame Haupois. « Quoi donc, maman ? Je te demanderai de dîner avec moi, si tu n'es pas attendue toutefois. Je suis sûre que je dînerais tout à fait bien si je t'avais là en face de moi, me servant. » Assurément, il était attendu. Et comme il devait rentrer à 5 heures, il y avait déjà longtemps qu'Hortense s'exaspérait, car elle n'aimait pas attendre. Mais comment refuser une invitation faite dans ces termes ? Comment partir quand sa mère lui disait qu'elle dînerait bien s'il était en face d'elle pour la servir ? Hortense elle-même lui dirait de rester si elle était là. Il lui expliquerait comment il avait été retenu sans pouvoir la prévenir. Elle avait trop le sentiment de la famille pour ne pas comprendre qu'il avait dû accepter. Elle était trop bonne pour se fâcher. Il rencontra les yeux de sa mère. Leur expression anxieuse l'arracha à son irrésolution et à ses raisonnements. « Mais certainement, dit-il, je dîne avec toi. Oh, mon cher enfant !» Puis, comme elle ne voulait pas se laisser dominer par l'émotion, elle le pria de sonner pour qu'on mît un second couvert. « Puis il faut savoir s'il y a à dîner pour toi, dit-elle en souriant. Le régime d'une malade ne doit pas être le tien. » On avait seulement fait cuire un poulet pour que madame pût en manger un peu de blanc. Un simple poulet. Ce n'était point là le dîner que madame Haupois voulait offrir à son fils. Heureusement, le menu put être renforcé par les provisions de la maison. Une terrine de Nérac, qu'un ami envoyait de Nérac, et donc on ne trouverait pas l'appareil chez les marchands. Du fromage de Brie, fabriqué à la ferme de Noiseau, exprès pour les propriétaires, et qui ne ressemblait en rien à celui du commerce. Des fruits du château, une bouteille du vieux Sauterne qu'on ne buvait ordinairement que dans les jours de fête, et que Jacques alla chercher à la cave. Enfin ses pâtisseries, ses sucreries, ses liqueurs, toutes ses chatteries, toutes ces choses caractéristiques de la vie de famille et qui rappellent si doucement les années d'enfance. Ainsi composé, le dîner dura longtemps. Léon eût voulu cependant l'abréger, mais le moyen. Il était plus de 8 heures quand il se termina. Plusieurs fois Madame Haupois avait remarqué que malgré la joie que Léon éprouvait à dîner avec elle, il était préoccupé. Elle avait compris quelle était la cause de cette préoccupation. Elle ne voulut pas pousser à l'extrême le triomphe si considérable qu'elle venait d'obtenir. « Maintenant tu vas me quitter, » dit-elle. « Je te garderai bien toujours, mais pour mon repos, il vaut mieux que nous nous séparions. Te verrai-je demain ?»« Tu le demandes ? Eh bien, à demain alors. Cependant, avant que tu partes, il faut que je te dise un mot sérieux. Oh, sois tranquille, il ne sera point question de reproche. » Cette soirée a trop bien commencé pour que je la termine tristement. Je veux m'endormir dans la joie. » Elle lui serra la main. Quand nous avons recouru à la mesure du conseil judiciaire, je dis nous, car nous devons tous dans la famille porter notre part de responsabilité de cette mesure, quand nous avons recouru au conseil judiciaire, nous n'avions qu'un but, rompre une liaison qui nous désespérait. Au lieu de la rompre, cette liaison, tu l'as rendue plus étroite et plus intime. Et au lieu de revenir à nous, tu t'en es éloigné davantage. Mais, écoute-moi jusqu'au bout. Je t'ai dit que je ne voulais pas t'adresser des reproches. Tu verras que je ne t'ai pas trompé. Ce n'est pas de nous que je veux parler, c'est de toi. Par la position que tu as prise, tu t'es mis dans l'impossibilité de payer tes créanciers qui te tourmentent et te harcèlent. Je les ai vus. Je comprends que leurs réclamations et leurs reproches doivent te rendre malheureux. Très malheureux, cela est vrai. Il faut que cela cesse. Il faut que tes dettes soient payées. Elles le seront, si tu veux. Que ton esprit n'aille pas encore trop vite. Je ne veux pas te faire des propositions inacceptables, te les imposer comme tu parais le craindre. Il s'agit de donner une simple satisfaction à ton père et de lui prouver que ton cœur n'est pas fermé à la voie de la conciliation. Quitte Paris pendant quelque temps. 3 mois, 2 mois même. Seul, bien entendu. Fais un voyage où il te plaira. Et à ton retour, je te donnerai moi-même, j'en prends l'engagement, tous tes billets acquittés. Voilà ce que j'ai obtenu de ton père, et voilà ce que je demande. Je te l'ai dit, ce voyage sera une marque de condescendance envers ton père, et vos rapports, nos rapports, s'en trouveront changés du tout au tout. Pour moi, quelle chose capitale. J'avoue que ce ne sera pas la seule. Pendant ce voyage, dans le recueillement et dans la solitude, tu pourras t'interroger, ce qui n'est pas possible à Paris, et au retour, tu agiras comme ta conscience ou comme ton cœur te le conseillera, selon que l'un ou l'autre sera le plus fort. Je n'ai pas besoin de te dire ce que je demanderai à Dieu, mais enfin, quoi que tu fasses, tu auras lutté, et si ce n'est pas à nous que tu reviens, tu auras au moins la satisfaction de nous avoir donné un témoignage de bon vouloir. Nous te plaindrons, nous te pleurerons, mais nous ne te condamnerons plus. Réfléchis à cela, mon enfant. Tu me répondras demain, plus tard, quand tu voudras, quand tu seras fixé. Pour aujourd'hui, embrasse-moi. » Ils s'embrassèrent et émus tous deux. « Viens quand tu voudras, » dit-elle, « puisque toute la journée je n'ai qu'à t'attendre. À demain,